الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل dans la traduction approximative il a dit: nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager qui leur ordonnait d'adorer Allah et de se détourner du tarout. Et le tarout, le marna du tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal et tout ce qui peut être suivi ou obéi en dehors d'Allah Azzawajal. Et donc, on voit que tous les prophètes ont été envoyés à leur communauté avec une seule kalima. Wahiya, la ilaha illallah, kalimat tawhid, kalimat ul-ikhlas. Wahadi il-kalima, laha ma'na. ولها شروط ولها مقتضى. Cette كلمة التوحيد لا إله إلا الله elle a un sens et elle a un معنى et elle a des conditions. Voilà pourquoi chaque prophète a été envoyé à sa communauté pour authentifier cette كلمة, cette parole qui est لا إله إلا الله. Ils ont été envoyés pour authentifier cette كلمة, comme l'a dit Allah عز وجل dans l'ayat que je vous ai cité plus haut, qui est ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah a donc envoyé ses messagers pour que les gens reviennent et authentifient cette kalimat qui est la ilaha illallah. Et cette authentification de cette kalimat qui est la ilaha illallah, elle ne peut arriver que par ces trois choses que je vous ai citées, qui est la connaissance de son sens et la connaissance de ses conditions et la condition et la connaissance de ses implications. Et donc le sens de la ilaha illallah, comme il est connu dans les livres de science, c'est la ma'bouda bihaq illallah, et il n'y a nul qui mérite l'adoration, nul, yani personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. En gros, c'est la traduction approximative du sens de la ilaha illallah. Et cette condition, yani cette kalimat, la ilaha illallah, a des conditions, elle a des shurut. Donc une fois que le musulman connaît le sens de cette kalima, il est censé appeler à la mettre en pratique. Et cette mise en pratique ne pourra arriver que par la connaissance de ses conditions et ses implications. Et les conditions de la ilaha illallah, elles sont connues aussi dans les kutub al-ilm. Elles sont connues, elles sont sept, sab'a. Al-awwal, al-ilm, la science. La première condition de la ilaha illallah, c'est la science. Qala Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Allah, dans la traduction approximative, il a dit, sache qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah, et demande pardon de tes péchés. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فهو مسلم. Dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque va mourir et il connaîtra qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, alors il rentrera fil Jannah. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Et donc on voit que la première condition de cette kalimat la ilaha illallah pour qu'elle soit authentifiée, c'est la science, le fait de connaître le sens de cette kalimat la ilaha illallah, kama taqaddam dhikru, comme je vous l'ai expliqué plus haut, que c'est La ma'bouda bihaq illallah, et il n'y a personne qui mérite l'adoration sauf Allah. Et cette kalimat est construite de deux choses qui s'appellent arkan la ilaha illallah, nafi wa isbat, l'affirmation et la négation. Et l'affirmation dans cette kalimat la ilaha illallah, c'est illallah, et la négation c'est la ilaha. En gros, ça veut dire que on nafi, on nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah pour affirmer que toute l'adoration revient à Allah wahdahu la sharika lah. En gros, ça, c'est un résumé du marna la ilaha illallah qui revient à la condition, la première des conditions la ilaha illallah qui sont la science. La deuxième condition, c'est le yaqin. Yaqin, la certitude. Qala Allah ta'ala, innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Et certes, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et ensuite qui n'ont pas douté. Donc la deuxième condition des shurut la ilaha illallah, c'est la certitude, le yaqin, ikhwan. Lianna le shak في هذه الكلمة قد يكون ناقدا للإسلام إنسان يخرج الإسلام إنسان même pas rendu compte, il sort de l'islam parce qu'il a douté de cette kalima, il a douté de la parole la ilaha illallah et de la vérité qu'elle indique. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Allah, il est la vérité par lui-même, par son essence, et cette kalima appelle à la vérité, et quiconque va douter de cette vérité va donc sortir de l'islam. La troisième condition des shurut la ilaha illallah, c'est le qaboul. El qaboul, c'est l'acceptation en français. El qaboul, qala Allah ta'ala, yani fi el qaboul, quand il a décrit les mouchriquin et leur istikbar, leur enorgueillement de la vérité, ils ont dit أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Est-ce qu'il va, en parlant de Mohammed, ils ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il va rendre nos divinités une seule divinité, unique? C'est donc certes une chose étrange dans la traduction approximative. Donc là, on voit que les mouchriquins, ils ont refusé cette vérité. Ils ont rad kalimat la ilaha illallah, et donc ils n'ont pas venu avec la charte qui est la charte qaboul, le fait d'accepter cette kalima et la vérité qu'elle indique. Donc, on voit que le qaboul fait partie des, et qui est la troisième des conditions de la ilaha illallah. La quatrième condition de ces chourouts, c'est l'inqiyad, l'obéissance. Allah Azzawajal a ordonné de lui obéir et cela fait, parmi les, fait partie des conditions des chourouts la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Et nous n'avons fait que leur ordonner de nous obéir, d'obéir à Allah Azzawajal, d'adorer Allah Azzawajal. فَكَذَلِكَ Allah Azzawajal a décrit يعني ce qui est arrivé à Pharaon. قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. Donc Allah عز وجل a dit dans la traduction approximative, nous vous avons certes envoyé des messagers témoins contre vous-mêmes comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Et Pharaon a donc désobéi à son messager et nous l'avons donc saisi d'un dur châtiment. On voit donc que l'obéissance à Allah, le fait de lui obéir et de se détourner de tout ce qui est en dehors, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est obligatoire et c'est une des conditions parmi les conditions de la ilaha illallah. La shart al-khamis, la cinquième condition, l'ikhwan, c'est al-sidq. Al-sidq ma Allah azza wa jalla qui a dit le kalima, le fait d'être sadiq, le fait d'être sincère avec Rabbil Alamin et de dire la yani d'être véridique dans cette kalima. Voilà pourquoi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan bi qalbihi harrama Allah alayhi al-jannah muttafaq alayhi. Dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit quiconque va attester que la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah sidqan bi qalbihi, ay avec authenticité, véracité, véridique bi qalbihi par son cœur, alors Allah va interdire le feu qu'il rentre dans le feu. وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله في القرآن ما تخشون بس ما تقول دي ألف لام ميم. Est-ce que les gens vont croire qu'ils vont dire nous avons cru en Allah et qu'ils ne vont pas être éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux pour que Allah sache qui sont les véridiques et qui sont les menteurs. Voilà donc pourquoi la charte al-khamis des shurut la ilaha illallah, la cinquième condition des shurut la ilaha illallah, c'est la sidq, c'est la véracité, c'est le fait d'être véridique avec Allah azza wa jal et le sens de cette kalima et de ne pas vouloir jouer avec Allah azza wa jal et cette kalima. La charte sadis, c'est l'ikhlas, le fait de prononcer cette kalimat la ilaha illallah en ikhlas, avec l'ikhlas lillah azza wa jal, pas pour vouloir avoir une chose de la dunya, par exemple se marier avec une femme musulmane, hein, de prononcer cette jumla, yani cette phrase la ilaha illallah, ou pour avoir protégé ses biens et son sang. Là, c'est de la prononcer pour Allah azza wa jal. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah il a dit dans le Coran, dans la traduction approximative, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah azza wa jal mukhlisina lahu ad-din, et sincèrement dans cette religion. Donc la sincérité, on voit que c'est une des la, c'est même la sixième condition des shurut la ilaha illallah. Et قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah il a interdit de rentrer au feu quiconque dira la ilaha illallah, il veut par cela l'agrément d'Allah. Et le hadith il est muttafaqun alayhi, yani il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et la charte sabir, la dernière condition qui est la charte al-mahabba, l'amour, le fait d'aimer Allah azza wa jal et d'aimer cette kalima et d'aimer ce à quoi indique cette kalima. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. الله عز وجل il a dit parmi les gens il y en a certains qui vont prendre des égaux à Allah عز وجل, ils vont les aimer comment ils pourraient aimer Allah عز وجل. Ils ont fait du shirk avec Allah عز وجل dans cette mahabba. cette mahabba qui est une des, et qui est la septième condition des shurut, la ilaha illallah, falabud wa wajibun al muslim, en ya'rif hadi shurut, il est wajib, obligatoire à chaque musulman de connaître la ilaha illallah, le marna de cette kalimat, et qu'il a des conditions qui fait que lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ou qu'il en manque une seule, cette condition et cette kalima tombent. Ces conditions et cette kalima et son authentification à Allah, elles tombent. Voilà pourquoi il est wajib alayna d'apprendre cette kalima et son sens et ses conditions et de les mettre en pratique. Kadalika, et pour compléter, yani, la petite nasira de cette soirée, le fait de connaître que la kalima la ilaha illallah, elle a des implications. En arabe, implication, on dit muqtada, muqtada la ilaha illallah, les implications de la ilaha illallah. Et elles sont en deux sortes. Des implications qui reviennent à la première partie de la kalimat qui est la ilaha, et la négation, et une deuxième sorte d'implications qui reviennent à la kalimat illallah, qui est l'affirmation. Et les implications qui reviennent à l'affirmation de la ilaha illallah, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Allah il a dit illallah, dans la kalimat tawhid, kalimat la ilaha, il a dit illallah, l'affirmation, et affirmer qu'Allah il est le seul qui mérite toute forme d'adoration. À partir de ça, il est wajib al-muslim de mettre en pratique les implications de cette kalimat et qui est d'adorer Allah Azza wa Jal, de faire la prière, de faire le siyam, de faire le hajj et de le faire que pour Allah Azza wa Jal. Et parmi les implications de cette kalimat, le fait de s'allier avec les croyants, de s'allier avec les musulmans, naam, de les aimer en Allah Azza wa Jal et de vivre avec eux et de rester avec eux, ça fait parmi parmi les implications de illallah, l'affirmation qui est la deuxième partie de la kalimat la ilaha illallah. Hada, c'est les implications de l'affirmation, al-isbat. Et ça s'appelle l'alliance et le désaveu. Et l'alliance, on a l'alliance, c'est pour les croyants. L'alliance d'Allah et de son messager et des croyants. Tu les aimes en Allah et tu restes avec eux et tu te mélanges qu'avec eux et tu ne te mélanges pas avec autre chose qu'eux. Parmi les implications de la ilaha, de la négation, et c'est la deuxième partie de la kalimat la ilaha illallah, eh bien, c'est le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de croire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est nul, vain. Et que cette adoration-là est batila, elle n'est pas acceptée, elle est nulle, elle est vaine. C'est la première implication de cette kalimat la ilaha illallah, de la négation. Kadhalika, parmi ces implications, le fait de rendre mécréant toute personne qui est tombée dans le shirk. Kama dhakarahu, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, fi ba'd al-fatawa. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a rappelé dans certaines de ses fatawas ses conditions et ses implications. Et parmi donc ces implications, ce que je viens de vous dire, qu'il est wajib à tous les musulmans de croire que quiconque tombera dans ce shirk, il est donc rendu mécréant par cette adoration, qu'il a voué à un autre qu'Allah. Hada, ça fait partie des implications de la ilaha, ay al-kufr bit-tawhid, le fait de mécroire dans tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et quiconque ne rend pas mécréant ceux qui adorent ce qui est en dehors d'Allah, il a donc naqis, il a amoindri et diminué son application de ses implications. Yani, l'application de cette kalimat la ilaha et le fait de mettre en pratique cette kalimat. Fakadalika, barakallahu fikum. Parmi les dernières implications de cette kalima, c'est quoi? C'est le fait de se désavouer des mouchriquins, de se désavouer de l'adoration des idoles et de se désavouer des mouchriquins. Puisque le désavouement de ces gens-là, il est forcément lié quoi? À Amel al-Qalb, le fait de les détester, et à Amel bil-Lisan, le fait de le dire, et enfin le fait de le dire par les membres, et le désavou du shirk et des mouchriquins par les membres, c'est le fait de faire la hijra, ikhwan. C'est le fait de quitter le bad al-kufr et de revenir au balad al-muslimin. Naam, qala Allah ta'ala, inna alladhina tawaffahum al-malaikati zalimi anfusim, qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afin fil ard, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, fa'ulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira. Tayyib, Allah Azza wa Jalla, il a rendu obligatoire la hijra dans cet ayat. Lorsqu'il a dit que les malaïka, au moment où l'homme, il meurt, le musulman, il vient prendre son âme, et à ce moment-là, il lui pose une question. Il lui dit, Fima kuntum, où est-ce que vous en étiez de votre religion? Et à ce moment-là, le musulman qui vivait en bled kouf et qui n'arrivait pas à pratiquer sa religion, ni à faire les salawat à la mosquée, ou à idhar, sunna, le fait de rendre apparaître la sunna et de mettre en pratique la sharia et de faire l'amr bin la'ouf wa nahi alil muntar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâme, il n'était pas capable de mettre en pratique ces choses-là dans son propre pays, qui était un pays de mécréance. Alors les anges lui disent, Fima kuntum, où est-ce que vous en étiez de cette religion-là? Et disent, Kunna al-mustad'afin. Nous étions faibles sur terre et nous étions dans un pays où on ne pouvait pas pratiquer ces choses-là. Et à ce moment-là, regardez bien les frères, parce que le malaïka, ils ne disent pas à ce moment-là, c'est pas grave mon frère, ma'lish, inshallah on te pardonne, ou Allah Azza wa Jalla il te pardonne. Là, ils lui ont dit à ce moment-là, le malaïka, ils vont lui dire, Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. À ce moment-là, les anges vont dire, est-ce que vous ne saviez pas? Parce que le maqsoud, c'est qu'ils savaient bien ces gens-là, que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour y émigrer? Parce que maintenant, il faut savoir que les gens pour qui il a été rendu obligatoire la hijra, c'est deux sortes. Il y en a une seule sorte qui a rapporté deux choses. Deux choses, il y a deux conditions. La première, c'est la science. Les gens savaient que c'était obligatoire de faire la hijra. Ils n'étaient pas ignorants. Parce que celui qui ne sait pas que la hijra était obligatoire, c'est pas la même chose indallah. Il est, inshallah, excusé parce qu'il ne savait pas que c'était obligatoire. Ah, mais celui qui sait que c'était obligatoire et qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas excusé indallah. Il a attaqué kabir min al-kabair. Il a fait un grand péché indallah. Et ensuite, le deuxième, c'est celui qui savait, mais qui n'a pas eu la capacité de faire. Il n'a pas eu l'argent, il n'a pas trouvé de pays. Hada, inshallah, il est mardour, indallah. Il savait que c'était wajib, mais il n'a pas pu faire autrement. Hada, il est mardour, il a une excuse, indallah. Mais celui qui savait, et qui a eu la capacité, ou qui n'a même pas cherché un pays, ou une voie d'issue pour sortir, hada, il n'a pas d'excuse. Il est tarte, yani, hada billah, azza wa jal. Fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Cela, le refuge, sera le feu. Et bi'sal masira. Yani, et quel pire devenir. Falaboud al-Muslim, al-Salafi, qui est en bled kouf aujourd'hui comme la France, qui est un pays aujourd'hui qui a d'ahar, sa adawat al-Muslimin, son animosité contre les musulmans, qui lutte contre l'islam, qui ferme les mosquées salafiyas, qui interdit de porter le sitre, qui Obama demain il vous interdit de porter la barbe, et qui vous force à porter des pantalons moulants dans la rue, les frères ne peuvent même plus porter leur camise dans la rue, alors que c'était une des moindres choses pour faire apparaître la sunna. Il faut bien se rendre compte qu'un pays comme ça, ça rentre dans les pays où c'est impossible de vivre sa religion. Et donc là, vous ne rentrez plus dans les moustadarifines qui ont une excuse, indallah, ceux qui ne savaient pas, ceux qui n'avaient pas la possibilité, ou ceux qui n'avaient pas la qudra, qui n'avaient pas la capacité de partir, comme les enfants, les femmes. Ah, mais maintenant, les frères qui ont de l'argent et qui savent que la hijra c'est wajib, c'est haram alayhim qui reste. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, inni bari'un min kulli muslim yaqimu bayna adhar al-muslimin, bayna adhar al-mushrikin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith qui est rawi Abu Daoud, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les mouchriquins. En dehors de l'année, le hadith sahah ou l'Albani, qu'est-ce qui se passe? Le hadith il est authentifié par Cheikh l'Albani. Et qu'est-ce qu'il dit Nabi Sam? Je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les mécréants. Il se désavoue parce que ce musulman, il ne s'est pas désavoué de ses mécréants. C'est kabir indallah, hada kabir min al-kabair. Donc l'abou del muslim, il craint Allah azza wa jal. Il ne se croit pas à l'abri de sa ruse. Il ne se croit pas à l'abri de son istidraj. Tout prouve qu'aujourd'hui, la France, c'est de pire en pire en France. C'est de pire en pire. Hatta des gens reviennent maintenant, vous entendez des gens, ils reviennent de certaines écoles et vous disent, mais non mon frère, c'est pas wajib la hijra. C'est pas wajib où tu peux faire la hijra dans un pays anglais, à Birmingham par exemple. Là, tout ça c'est du baratil. La hijra elle est vers la terre d'islam. Hada, hakada, sallallahu ta'ala. Il l'a dit dans le Coran. Et hakada, qu'al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné la hijra. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة الغست لا هجرة الواجب على كل المسلمين de partir d'un bled kouf jusqu'à un bled musulman jusqu'à يوم القيامة jusqu'à la dernière heure c'est واجب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وَلَا تَنْقَتِعَ التَّوْبَةَ حَتَّى تَطْلَعَ شَمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا. La hijra, elle ne s'arrêtera que lorsque s'arrêtera la tauba. Et la tauba ne s'arrêtera que lorsque le shams va sortir de son maghreb, de son couchant. Et le hadith hasanahu al-albani. فَالِخْوَانَ لَبُودْ يَنِي تَفَكَّرُونَ فِي هَذَا نَحْنُ نُدَرِّسُكُمْ نُرْسِلِ إِلَيْكُمْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ مُزُدُّوز كُتُوب مَا شَاءَ اللَّهُ فِي اللُّغَةِ الْفِرَنْسِيَّةِ وَأَشْرِطَاتِ وَتَسْتَفِدُونَ رُبَّمَا عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَفِي التَّوْحِيدِ وَفِي الْعَقِيدَةِ وَفِي الْمِنْهَاجِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ فِي جَرْوَ التَّعْدِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ إِمَام جَرْوَ التَّعْدِيلِ فِي بَلَدِهِ لَكِنَّ الآن يَعِيش بَيْنَ أَذْهَارِ الْمُشْرِكِينَ الآن رُبَّمَا يُحِبُّ الْفَرَنْسَا نَعَمْ peut-être un jour insane yani on va trouver des gens en France qui parlent dans Jarwa al-Ta'dil qui parlent sur les ulama, qui rentrent dans les masalas de Foulan Sam Hizbi, Foulan Sam Moutadi, ou ça n'est pas, ou ça n'est pas un, ou des gens qui ont des connaissances dans le Tawhid, des gens qui ont des connaissances dans la Aqidah, et pendant ce temps-là, ils vivent en bled kouf. Ils n'ont pas d'excuses, indallah. Ils n'ont pas d'excuses, indallah. Mam, il y en a parmi eux, ces gens-là qui vont rester en bled kouf, ils sont trois sortes. Ces gens-là qui sont en marcia, qui sont en pleine désobéissance à Rabbil Alamin, ils sont trois sortes. Un qui va rester seulement pour la dunya. Il déteste les kofars. Que ce soit pour leur dunya, que ce soit pour le din, il les déteste, mais il aime le dunya. Yani, il a peur de perdre sa dunya. Il a un nafs fit tawakkul. Il a un nafs dans son iman. Il a un nafs dans le fait de se remettre à Rabbil Alamin pour sortir et de vivre l'aventure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il reste en bled kouf. Il veut que son frigo il soit plein de yaourt, plein de lait frais, plein de jus de fruits. Et l'eau chaude, elle est là, tout va bien et tout. Non! Parce que toi, en ce moment, tu es en train de désobéir à Rabbil Alamin. Tu as un kabir et un kabair. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la deuxième sorte. Celui qui aime les kofars pour leur dunya, il aime bien leur comportement, il est bien vivre avec eux, il aime bien les acidiques, il aime bien tout ce comportement des kofars qu'ils ont entre eux, les aides sociales, les choses comme ça. Hada aussi c'est un kabir, c'est un fasiq. Wallah, c'est un fasiq celui qui fait ça. Il a délaissé l'obéissance à Rabbil Alamin pour suivre les kuffars dans leur dunya. Wallah, c'est un kabir min al-kabir. Labud min al-tawba. Wa rujou ila Allahi azza wa jal. Et enfin, le troisième cas, et c'est le pire, c'est celui qui reste en bête kuffre et finalement dans son cœur, il aime bien la religion des kuffars. Il aime bien la démocratie. Hada la démocratie, les frères. C'est une des têtes, min al-shayatin, une tête min al-tawarit, qui les wajib alayna nakfur biha. La démocratie, c'est une des têtes des diables, c'est une des têtes des tawarit qu'Allah nous a ordonné de mécroire en eux. Et maintenant, une scène peut-être, il va aimer cette démocratie, cette forme de liberté individuelle. Il va rester en bled kouf pour ça. Alors que pendant ce temps, Allah Azza lui a ordonné de quitter le bled kouf, de quitter cette terre de mécréance pour revenir en terre d'islam. En plus, ce frère-là, pendant qu'il reste en bled kouf, il est un des sebeb de tad'if al-umma. Parce que le fait de réunir la umma al-islamiyya entre eux, c'est le fait de renforcer la religion. Et maintenant, quand on voit les gens qui restent en bled kouf, ils sont un sebeb de quoi ? D'affaiblir la religion. Parce que du coup, ils sont un sebeb de division et de faire que les musulmans ne sont pas réunis dans leur pays. Réfléchissez bien à ce qui se passe, les frères. Wallah, que le warfare, il est de pire en pire pour les musulmans, que ce soit en France ou dans d'autres pays. La shadda, la dureté, elle est de pire en pire sur les musulmans et eux, ils continuent à rester. Demain, peut-être, on va vous obliger à porter des pantalons roses, moulants, qui font apparaître la hurra, les choses personnelles de la personne, les parties génitales. Ou peut-être demain on va forcer à faire porter aux femmes musulmanes des mini-jupes. Et vous allez continuer à dire, non, à la baisse, je pars pas encore, tout va bien, yani, j'arrive encore à pratiquer ma religion. Ah ben, c'est pas possible les frères. Jusqu'à quand ça va être comme ça? Demain ils vont forcer à aller voter. Demain ils vont forcer à faire des choses qui sont pas bihukm mimma anzalallah. Peut-être vous allez faire du coup, vous allez même pas vous en rendre compte. Donc il faut que le musulman il parte, il sorte du bled kouf, c'est wajib al-ikhwan. Et la bout, c'est wajib alayya que je vous fasse une nasiha. Voilà que c'est pas du tout un ordre, voilà que c'est pas du tout une fatwa. Moi je suis un talib un miskin. Simplement j'ai réussi à quitter le bled de Kouf. Voilà que j'ai eu des faiblesses comme vous tous. On a eu des faiblesses. On n'a pas voulu partir à un moment donné où on disait il n'y a pas moyen, il n'y a pas de possibilité. Mais Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran ? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah, celui qui craint Allah Azza wa Jalla, Allah lui dit dans le Coran, dans la traduction approximative, celui qui craint Allah, il va lui donner une issue à ses problèmes. Et il va le raser, le pourvoir par là où il ne s'y attendait pas, les Juan. Il a dit l'ayat, elle est murkama, elle est mutlaqa, c'est absolu. C'est que ça arrive dans toute situation. C'est wajib que les musulmans mettent en pratique cette ayat. Donc, pourquoi je vous ai parlé de la kalimat la ilaha illallah au début? C'est pour montrer à Wallah qu'elle est la base de notre religion. C'est qu'il n'y a pas de religion, pas de foi, pas d'aqida sans tawhid. Le tawhid, c'est la base. Ah, Wallah. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que parmi les implications de tawhid, c'est quoi? C'est le fait al-bara'atu min al-mushrikin, le fait du désaveu des mushrikin et de ce qu'ils adorent. Et que ce désaveu, comme je vous l'ai dit, ça peut arriver par le qalb, par le cœur, par l'isen, par la langue et par l'al-jawarih. Et à partir du moment que ça vient par les membres, al-jawarih, et bien c'est la hijra qui devient wajiban, ikhwan. C'est la bara'atu min al-shirk wa ahlihi. Et ça, c'est wajib. Et comme vous voyez que quiconque finalement aura compris la kalimat la ilallah, il aura forcément mis en pratique ses implications. Et donc quitter le bled kouf et le rax, quiconque n'aura pas quitté Bled el-Kouf, c'est donc forcément qu'il n'aura pas compris le sens de l'Aïlawa et qu'il n'aura pas mis en pratique les implications de cette kalimat, et donc son tawhid il sera naqis, il sera amoindri, diminué indallah. Donc il faut bien réfléchir les frères, que le muslim c'est wajib alayhi de renforcer et de authentifier cette kalimat indallah. Ça c'est le wajib. Donc quiconque n'a pas authentifié ce kalima, on voit forcément les alamat, les signes. Parmi ceux-là, il ne s'est pas désavoué des mouchikines de leur pays. Donc wajib alaykoum tafakkur fi hadhihi al-umur, et enfin de penser dans ces choses et de finalement de les comprendre comme il faut. Et de bien comprendre qu'aujourd'hui vous êtes en train de perdre votre religion et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Donc que celui qui craigne Allah jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'il parte. Ne serait-ce qu'avec le billet d'avion, qu'il parte, qu'il tente l'aventure. Qu'est-ce qu'il coûte? Qu'est-ce qu'il a à perdre là-bas? Il va tenter l'aventure, il va aller dans un pays, même s'il ne connaît personne, peut-être Allah ibn Razak, il va l'aider, il va le faire rester dans ce pays-là. Il faut tenter l'aventure, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'un jour ou l'autre, ce sera fini, il n'y aura plus. Plus de foi, plus d'imen, vous partirez plus, c'est fini. Et peut-être même plus de din, plus de salawat, plus rien, plus de sunnah, intaha. Donc là, vous l'insane, il faut qu'il ait l'humour. L'ani wajib, le muslim, il pense ces choses-là et il pense que son tawhid, il a été seulement donné son tawhid pour qu'il l'authentifie. Non pas pour qu'il dise la ilaha illallah comme ça et pendant ce temps, il délaisse le amel bihi. Hadaza, c'est pas notre din. Le din, le amel, il fait partie du din. Donc là, vous rendez compte qu'il faut authentifier votre kalimat la ilaha illallah et que vous retrouviez avec les musulmans pour avoir authentifié le désaveu du shirk et des gens du shirk. Wallahu ta'ala a'lam. Les femmes à la base, les mustadafat, elles ne rentrent pas dans Umm al-Ayat. Dans le sens que maintenant, dans le sens, les mustadafat, c'est juste babiani quand elles n'ont pas la capacité de partir. On revient à la capacité. Maintenant, on revient au shurut. Quelqu'un qui sait que la hijra c'est wajib. Haram alayhi reste. Maintenant, quelqu'un qui sait mais qui n'a pas la qudra. Ada, il rentre dans ceux qui ont une excuse. Celui qui sait mais qui n'a pas la capacité de sortir. Il a une excuse, indallah, inshallah. Ah, mais celui qui sait et qui a la qudra et qui ne veut pas partir. Ah, là, c'est là où il a le mouchkil. Et c'est hélas le cas de beaucoup de gens qu'on connaît. Ils ont la science que c'est wajib. Et ils savent, ils ont la capacité. Il y en a même certains, ils ont les papiers ou ils ont l'argent et ils ne veulent pas partir. Ah, maintenant, les femmes, si elle a la capacité, elle sait que c'est wajib et qu'elle a la capacité de partir, c'est très, très bien possible qu'elle parte, même toute seule. Yani, ma'rouf, yani, que la hijra, même pour la femme, yani, à partir du moment qu'elle a l'aim, que c'est wajib et qu'elle a la capacité, elle doit partir. Dans la mesure du possible. Et elle peut même partir toute seule, parce qu'à la base, le voyage toute seule de la femme, yani, musulmane, c'est là, il y a juste qu'elle voyage toute seule sans mahram. Sauf dans le cas de la hijra. La hijra, c'est le fait de quitter son bled, quoi, pour protéger sa religion, pour pas tomber dans le kouf. Pour pas tomber dans ces mu'amalat, yani, qu'un jour ou l'autre tu vas le regretter au moment où tu vas te retrouver dans ta tombe, et peut-être même avant. Donc là, vous dites, même la femme, à ce moment, elle doit faire à sa religion et dire bon, bah, on a tout le confort qu'il faut en France, mais là, il faut quitter le confort. Faut avancer là. Parce que la religion, il m'attire. Il n'y a pas de stagnation dans l'islam. Ça, c'est un rôle des murji'a, ça. Il y a stagnation comme ça, on reste au même point et on va rester comme ça toute la vie. Là, les frères, c'est immatavance, immaturcule. Si tu n'avances pas, tu recules. Hada, c'est une darura, c'est une règle darura. Nécessairement, c'est obligatoire que ça arrive comme ça. Donc, si tu avances dans ta religion, tu recules. Tu as authentifié ton tawhid, ou tu es en train de le naqis. Donc, wajib, même aux femmes, de penser à ces choses-là, de ne pas se dire non, tout va bien, on est encore capable. Aujourd'hui, on t'oblige de ne pas porter ton sitar dans la rue. Demain, si ça se trouve, les gens, ils vont. Même ça arrive, on s'est arrivé, on a vu. Des femmes qui se font insulter, des femmes qui se font cracher dessus. Jusqu'à quand tu vas te dire que tu es capable de vivre dans ton pays? C'est pas possible, ça. Et le frère, mine de pas. Oh là, c'est encore pire, les frères qui marchent en jean moulant et avec des t-shirts roses, je sais pas quoi. Non, c'est pas possible, ça. Alors maintenant, il y a des gens, ils vont libas alaykoum. Ils vont dire, non, on est revenu de la Jamia Islamia, on a étudié là-bas, et on va vous dire, la hijra, c'est pas wajib. Voilà, c'est du telbis, ça. C'est déguisé, le haq bil batil. C'est déguiser la vérité avec le nul et le vin. Yani la hijra, c'est wajib. La dila, je vous l'ai amené, c'est wadih. Et quiconque appelle à dire que la hijra, c'est pas wajib, il a forcément menti sur Allah et son messager. Faqad qala Allah ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadhiba wa huwa yad'u 'ala al-islam. Yani il appelle à l'islam, il se fait passer pour un musulman et après il ment sur Allah et son messager. Il n'y a pas pire. Il a fait le problème pendant 5 ans, il vient de dire après, non ma soeur ou non mon frère, la hijra, c'est pas wajib. Wallah, il est en train de mentir sur Allah et son messager. Wallah, c'est un dajjal. Donc maintenant, il y en a d'autres qui vont me dire, la hijra, non mais, la hijra c'est pas wajib. La hijra c'est pas wajib, ou alors vous la faites à Birmingham. Il y a des gens qui ont dit ça. Et ça c'est du kadib. C'est du dajjal aussi à Idan al-Hada. C'est déguiser la vérité avec le batil. C'est lebesel ad-din al-nas avec un autre din. C'est déguiser la religion des gens avec un autre din. Donc wajib al-muslim, il revient au adillah, au usul, les bases qu'il connaît dans sa religion. Et il se rend compte que authentifier son tawhid, il va forcément passer par cela. Et authentifier le tawhid avec ses membres et donc sortir du bled kouf. Tentez l'aventure, partez, vous verrez ce qui vous arrive. Allah yarzuqu man yasha. Celui qui a fait un sebeb en craignant Allah, Allah il va forcément l'aider. Ah mais tous ceux qui vont rester, qui vont reculer, bah ils vont forcément reculer dans leur religion, les frères. Faut bien penser à ça. Donc quiconque maintenant veut partir, c'est qu'il a voulu sauver sa religion. La plupart des frères qui sont aujourd'hui à Damesh et dans d'autres pays, je vous parle de Damesh, mais il y a d'autres pays où vous pouvez partir. Il faut vous renseigner, les frères, il y a internet aujourd'hui. Vous pouvez vous renseigner sur les autres pays qui sont de l'islam, où vous pouvez partir, où c'est pas cher de partir là-bas, des choses comme ça. Comme par exemple l'Égypte, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, il y a des frères qui sont partis aujourd'hui là-bas, même l'Arabie Saoudite, il y a des frères aujourd'hui qui sont partis là-bas. Ils ont essayé, ils ont tenté l'aventure, ils ont trouvé les papiers, ils sont restés. Donc il faut tenter l'aventure, faut pas dire non, ça a l'air dur, j'y arriverai pas, je sais pas comment ça va se passer. Faut y aller mon frère, quitte, Inch'Allah, Allah il va te faciliter. Donc voilà, c'est la nasiha de votre frère, j'ai fait ce que j'ai pu, Allah ta'ala. Allah, il est pour vous alors qu'ils sont dans les marassiers en France, donc Gamin Babenaoula que... Il est pour voir quand ils vont lui obéir dans la hijra. Kif? Yanni, il est pour voir là, il leur donne leur risque en France. Dans les marassiers et dans les kabirak, ne fait pas bouger alors que tu as la capacité. Alors, bilachek, Allah Zawajel, il va t'aider quand tu vas sortir. Quand tu vas sortir, tu vas. T'es muhajir, il est Allah Zawajel. Donc voilà ce qu'a dit le frère Ayoub, c'est vrai. C'est Allah il vous razaque dans un bled que vous êtes en pleine marassie, Allah il vous donne votre risque. Vous croyez qu'il va en pleine obéissance, il ne va pas vous donner votre risque. Simplement, il va peut-être vous donner une petite épreuve pour voir si vous êtes seulement ça à dire. Comme il a précédé dans le dik les shurut la ilaha illallah, qu'Allah azzel, il a forcément éprouvé les gens qui disaient je crois, en voulant voir qui c'est qui est le véridique et qui c'est le menteur. Donc le véridique, il va mettre en pratique sa religion, il va mettre en pratique son tawhid et il va partir. Ah, mais les autres. Ah, ben le Mustab'af le vrai, ben il l'Ahab, celui qui joue un peu avec les Adillah, non, mais en fait, il y a Khtilef, on ne sait pas. Voilà, c'est wajib. Les Adillah, je vous les ai. Et il y en a d'autres d'Adillah. Certaines, il y en a des Wadi, Hattar, Muslim, Nabi Sallam, quand il a dit appelé, yani quand il a appelé ses sahaba à faire la guerre contre les mouchriquins, il leur a dit avant de leur faire la guerre, dans la traduction approximative, avant de leur faire la guerre, appelez-les à kalimat la ilaha illallah, ani wahidullah. Et s'ils acceptent, alors appelez-les à se déplacer du balad kufr ila balad islam. Un musulman le hadith. Il a dit, mais c'est eux que vous allez combattre parmi les mouchriquins. Appelez-les à kalimat la ilaha avant de les combattre. Et s'ils acceptent, alors appelez-les à se déplacer de leur pays jusqu'à balad islam. Hada, c'est un délil que Nabi Sallam, il avait vu quoi? Il avait indiqué que le fait de se déplacer d'un balad kufr ila balad islam, c'est parmi les authentifications, les asbab d'authentification de quoi? De la kalimat la ilaha illallah. Donc il faut bien réfléchir à ton dîn. La kalimat la ilaha, c'est la base de toute religion. Ibn Omar, dans le hadith, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bouya l'islam à la khams. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'islam il est construit sur cinq, et cinq piliers. Et il a commencé par quoi le premier pilier? Shahadat an la ilaha illallah. Il a montré quoi? Que la base de la religion de l'islam, c'est le tawhid, la ilaha illallah. Donc on voit que c'est la base de la religion, qu'adaïka la base du iman, et ainsi de suite. Donc le tawhid, c'est la base de toute la religion, du iman, de l'aqidah. Donc il faut penser à l'authentifier ce tawhid. Parce que si tu ne l'authentifies pas, qu'est-ce qui va passer de ta religion? Elle ne va pas être authentique. Elle va être naqisa, amoindrie. Donc ça peut amener des choses encore plus graves. Parce que le fait de ne pas authentifier son tawhid, il y a deux sortes. Un qui s'appelle en arabe kulli, et un qui s'appelle en arabe juz'i. Le kulli, c'est totalement. Et tu n'as pas authentifié ton tawhid complètement. C'est-à-dire que ça, c'est du kufr. Et l'autre, c'est que tu n'as pas authentifié ton tawhid juz'iyan. Et en partie, partiellement, et ça c'est une ma'asi. Donc il faut faire attention que l'un n'amène pas l'autre. Et non, le juz'i peut amener le kulli. Si tu n'as pas authentifié ton tawhid partiellement, tu peux te retrouver finalement à la fin, délaisser ton tawhid complètement. Donc il faut craindre à ce moment-là, craindre quiconque veut sauver sa religion qui parte. Comme nous on l'a fait. Wallah, on est parti de la France, c'était pour sauver notre dîn, sauver notre foi, sauver notre religion. Et on a trouvé, alhamdoulilah, une terre qui nous a accueillis. Donc il faut partir, tenter l'aventure, les frères et les sœurs. Et pas avoir peur. Yani, vous devez craindre faqat, vous devez craindre seulement Allah Azza wa Jal. Fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wallahu ta'ala a'lam. Allez, marouf. Pour toi, oui, je sais. Hein? Pour toi, oui, je sais. Taïeb, la traduction de l'ayat, la dernière ayat, c'est ne les craignez pas et craignez-moi. In kuntum mu'minin, si vous êtes vraiment croyant. Wallahu ta'ala a'lam. Moins fort que toi, ça portait normal comme Hamza et tout. Ouais. Je pense que là-bas, machallah, ça fait un petit écran.